Godspeed, Anaëlle Verdier. Godspeed est une manière de se souhaiter bonne chance dans des entreprises difficiles, souvent des voyages au long cours particulièrement risqués. Alex hocha la tête. Nous étions en Écosse pour une étude que je menais sur la culture des pêcheurs. Nous étions arrivés le matin même dans un nouveau village et, observation participante oblige, passions la soirée au Godspeed, l'inn, l'auberge locale. La salle principale était chauffée par une large cheminée. La décoration me réjouissait. Carrés de voiles, cordages et filets de pêche déchirés. Une ancre était suspendue à une poutre en guise de séparation de salle. Les hommes y posaient leur stock de bière. J'avais remarqué les regards répétés qu'Alex envoyait dans la salle. « Ces marins te plaisent ?» Elle baissa le nez sur son bol de cidre rougissant dans la lumière tamisée de la taverne. « Lequel en particulier ?» Elle secoua la tête. « Aucun !» Sa peau rougit davantage. Je n'insistais pas. Je la trouvais adorable. Nous bûmes en silence. Elle se versa une nouvelle bolée en tremblant, la vida d'une traite. Celui-là, peut-être. Elle émit un petit rire en cachant son visage dans ses bras. Je me tournai dans la direction qu'elle m'avait indiquée. J'avais rencontré les marins plus tôt dans la journée. Je constatai que l'un d'eux regardait dans notre direction. Le jeune barbu aux épaules larges. Alexandra hocha la tête. « C'est Alan, » dis-je simplement. Était-ce l'échange de regards appuyé avec Alan qui m'avait fixé en buvant sa bière? Était-ce la soudaine gêne d'Alex que je n'avais jamais vue dans cet état? Je me laissais prendre au jeu. « Qu'est-ce que tu aimes chez lui ?» Elle hésita un instant, mais son regard pétillait. Sans me lâcher de ses yeux d'un marron profond, elle me répondit « Ses mâchoires carrées. » J'avais le bas du visage fin. Ses épaules larges et solides. Ses mains sont sûrement calleuses, dis-je en la caressant de mes doigts nourris au beurre de karité. Elle hocha la tête. Elles doivent être puissantes, capables de briser un coup d'une simple pression. Je regardais mes mains d'universitaire. Je n'étais même pas capable de briser un crayon avec mes doigts. Je bus une gorgée de cidre. Elle s'amusait de mon air chagriné. Elle me caressa la joue. « Je t'aime, tu sais. »« Je n'ai aucun des attributs que tu aimes. » Elle m'embrassa. « Le physique ne fait pas tout. Je suis certaine qu'il y a des choses que tu regardes chez les autres femmes et que je n'ai pas. » Ce jeu-là m'intéressait davantage. « Comme quoi, à ton avis ?» Elle regarda son corps. « Mes seins ne sont pas très généreux. J'ai dépassé le stade oral. » Elle faisait glisser ses mains le long de son corps en parlant. « Mes hanches sont trop larges. C'est ce qui te rend féminine. Mes jambes... » Je posai la main sur son genou, juste en dessous de sa jupe en tweed. Je la fis glisser vers l'intérieur de sa cuisse. Elle frissonna. Je collai ma joue contre sa pommette. Je chuchotai. « Tes jambes sont parfaites. » Elle me repoussa, des étoiles joueuses dans les yeux. « Dis-moi ce que tu regardes chez les autres femmes. » Je me renfonçai de mon côté de la banquette. Je ne sais pas, leurs épaules peut-être, leur nuque. Elle sembla surprise. « C'est vraiment une réponse d'intellectuel, ça. Tu sais, dans la société traditionnelle japonaise, la nuque est le summum de l'érotisme. » Elle laissa échapper un ricanement de satisfaction. « Qu'est-ce que je disais? Tu penses trop. Ce n'est pas une question à laquelle tu devrais répondre avec ta tête. » Ses yeux indiquaient clairement avec quelle partie de mon corps elle pensait que j'aurais dû répondre. « Toi aussi, tu as mentionné les épaules d'Alan. Oui, parce qu'elles évoquent la puissance et la virilité. » Je me tournai vers la salle. Debout, à côté de l'ancre, Alan riait avec ses compagnons d'équipage, un groupe de 5 marins avec qui j'avais convenu de sortir pêcher le lendemain. Ils avaient des rires puissants. S'exprimaient avec des voix fortes, gutturales. Leurs phrases étaient ponctuées de « mate », camarade, fraternel, et je le concédais à Alex, viril. « Tu ne me trouves pas assez viril ?» Alex se racla la gorge. « C'est pas ce qui t'intéresse, tu es un homme d'esprit. Et l'esprit n'est pas viril. Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas pareil. » Elle avait répondu avec un ton boudeur. Je sentais que mes questions l'embêtaient, mais ses réponses ouvraient des portes que je ne pouvais m'empêcher de pousser, même s'il n'y avait rien de bon de l'autre côté. Une question me brûlait les lèvres, que je me retins de poser. Au lieu de cela, je nous servis la fin du cidre, puis laissai mon regard se perdre dans la salle. L'air était chargé d'un parfum de poisson, de cendre, de bière. En dressant l'oreille, en flirtant avec le bruit de fond des conversations, je pouvais entendre les crépitements du bois se mêler au fracas des vagues contre les falaises à l'extérieur. La mer était agitée, et moi aussi. Je pris une profonde inspiration. « Tu t'ennuies avec moi ?» Alex fronça les sourcils. « Pas du tout. D'où tu sors ça ?»« Je ne sais pas. » Je suivis son regard tourné vers l'ancre. Alan regardait dans notre direction. Il souriait. Il leva sa chope vers nous. Alex leva sa bolée. Ils trinquèrent à distance. Je me levai avec le pichet. « Je vais chercher du cidre. » Depuis le bar, j'observais Alex à la dérobée. Le feu de cheminée dansait sur sa silhouette, accentuant les détails de son corps qui m'avait fait craquer pour elle 5 ans plus tôt. Ses jambes galbées, protégées du froid par un collant en laine, sa taille fine qui rendait ses hanches encore plus sensuelles. J'aimais m'agripper à son bassin. Il me ramenait à la terre, à la réalité, quand mes angoisses prenaient le dessus. Je suivais alors la ligne droite de son dos, m'oubliais dans le parfum de ses longs cheveux noirs. Mes mains ancrées à ses hanches, mon visage enfoui dans les flots de sa chevelure, je retrouvais ma sérénité. Elle était la femme dont j'avais rêvé sans l'espérer. Elle souriait à Alan. Je la rejoignis, notre pichet à nouveau plein. Tu as envie de lui? J'avais voulu poser une question, mais le point d'interrogation s'était évaporé dans le brouhaha ambiant. Alex ne répondit pas. Elle me renvoyait un sourire triste. Ses yeux brillaient. « Raconte-moi. Dis-moi ce que tu voudrais qu'il te fasse. » Elle pencha la tête sur le côté. « Tu es sûre ?» J'acquiesçai. « Je veux savoir ce qui te fait vibrer. »« Ok, » souffla-t-elle. Elle prit une profonde inspiration. Quand je vois un corps comme le sien, je me sens fragile et vulnérable, et j'aime ça. J'imagine qu'il me suit dans une ruelle ou dans les toilettes et qu'il me plaque contre le mur. Je résiste, mais il est trop fort, ses mains sont trop solides, son avant-bras contre mes omoplates. Il me maintient en place. Sa main libre glisse dans mon dos, lentement. Il prend son temps. Il n'a pas de raison d'être pressé parce que je suis à sa merci et il le sait. Si j'arrive à m'échapper, c'est parce qu'il l'a décidé et il peut me rattraper aussi facilement qu'il m'a laissé filer. Elle marqua une pause, me prit la main. « Tu veux vraiment entendre ça ?» Je hochai la tête. J'avais le souffle trop court pour parler. Comment lui dire que je sentais mon désir s'éveiller rien qu'à l'écouter ? Qu'aurait-elle pensé de moi, excitée à l'idée qu'un autre la possède ? Son visage rosissait, ses cuisses frottaient l'une contre l'autre. Elle reprit. Ses doigts tirent sur le tissu de mon haut, j'ai le dos exposé. Il s'empresse de glisser la main sur ma peau, me caresse. Il entoure ma taille, rejoint mon ventre, remonte vers mes seins. Elle avait fermé les yeux. Alan nous regardait à la dérobée. Les bruits du bar s'imposaient à moi. Les éclats de voix, les verres qui s'entrechoquaient. Je me redressai, vidai mon bol dans l'espoir de calmer l'échauffement de mon corps. Je reprenais pied dans la réalité, mais Alex poursuivait. Il serre mon cou, colle son bassin à mes fesses, je le sens contre moi, dur. Ses mains semblaient dotées d'une vie propre. Tandis qu'Alex racontait, elle mimait l'action. Ses hanches vibraient, ses doigts s'enroulaient autour de son cou, elle gémissait. Je ne faisais rien pour l'arrêter. Alan n'en ratait pas une miette. Il vit que je le regardais, il me sourit. Ce n'était pas un sourire moqueur ni un sourire salace. Il était complice. Il me retourne, sa main autour de ma mâchoire. Il plaque mon crâne contre le mur, il m'embrasse. Je veux le dévorer, mais c'est lui qui décide. Il m'arrache ses lèvres quand il en a envie. Son autre main glisse sous ma jupe, se plaque contre ma vulve. Le geste suivit la parole. Sous la table, Alex se caressait. Je me rendis compte qu'elle avait les yeux entrouverts, une fente assez large pour lui permettre de voir la foule des marins, pour capter le regard d'Alan. Il ne se quittait pas des yeux. Les gémissements ont remplacé la narration d'Alex. Le plaisir l'a traversée. « Serre-moi » supplia-t-elle quand la vague la submergea. Je la pris dans mes bras. Son poignet vibrait, son corps se convulsait. Elle fut traversée de plusieurs tremblements avant de relâcher ses tensions contre moi. « Tu veux qu'on s'en aille ?» demandai-je après lui avoir laissé un instant de répit. « Non, » fit-elle, « je veux rester contre toi. » Je me demandais si elle sentait mon excitation. Je n'arrivais plus à penser droit. Mes oreilles étaient sur le point de se consumer. Mon bassin ondulait malgré moi sur la banquette. Je voyais trouble. L'auberge était pleine et tout ce à quoi j'aspirais, c'était de plonger la tête entre les cuisses d'Alex. « Rentrons, » insistai-je. « Hi !» fit une voix grave. Alan s'empara d'une chaise, s'invita à notre table, un sourire niais figé sur les lèvres. Alex se redressa tout de suite. « Hi !» répondit-elle béate. « Je ne dis rien. »« Je suis Alan. »« Je sais, moi c'est Alex. »« Enchantée, vraiment très enchantée. » Ils allaient en échanger beaucoup, des banalités. Qu'est-ce qu'ils venaient faire ici ? Il se tourna vers moi. « Comment vas-tu, Dan, prêt pour la sortie de demain ?»« Oui, » répondis-je lacunaire. « C'est ta femme ?»« Oui, enfin non, on n'est pas mariés. » Alan hocha la tête. « Tu voulais me parler de quelque chose ?» demandai-je. « Non, » fit-il en regardant Alex. Il se souriait. J'avais l'affreux sentiment de ne plus exister. Alan tendit la main par-dessus la table. Alex lui offrit la sienne. Leurs doigts s'entrecroisèrent. Mon cœur cessa de battre et tomba comme une pierre au fond de mon ventre. Je saisis, tremblant, l'autre main d'Alex. Elle sursauta, me dévisagea comme si elle me redécouvrait. Son visage s'éclaira d'un éclatant sourire. Elle allongea le cou pour poser le front sur mon épaule. Elle murmura « Jamais sans toi, mon amour » et resserra son étreinte autour de ma main. Tremblant, je lui embrassai la joue et soufflai « Avec lui ? Peut-être, si tu veux bien. » J'étais incapable de résister. Alan me sourit. Il posa sa main libre devant moi. Je devais prendre une décision. Pendant que mon cerveau s'affolait, mon bas-ventre me donnait sa propre réponse. Je posai ma paume contre celle d'Alan. « Mon oncle tient cette auberge, » nous expliqua-t-il. « Après la fermeture, nous serons tranquilles. Passez par derrière et frappez trois coups. Je saurai que c'est vous. » Il nous lâcha tous les deux, puis se leva. Avant de rejoindre ses collègues, il se pencha vers les lèvres d'Alex et l'embrassa. Sa barbe accentuait le dessin des muscles de son cou. Il lui caressa la joue et s'éloigna sans nous quitter des yeux. « J'ai besoin de prendre l'air, » soupirai-je. Nous marchions sur les quais. La mer agitée jetait sur nous sa bruine salée. Nous étions silencieux. Alex était blotti contre moi, mon bras autour de ses épaules. J'ai mal aux pieds. Je lui montrai une barque posée au sec et l'aidai à y monter. Nous nous allongeâmes contre le bois, elle par-dessus moi, sous le ciel étoilé. Nous ne disions rien. Les yeux bien ouverts, nous laissions la mer meubler le silence. Les heures passant, l'auberge se vidait. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» Je hochai la tête. « Pourquoi pas ?» Elle serra ses bras plus fermement autour des miens. Assis au fond de l'esquif, nous regardions les derniers marins ivres quitter la taverne en titubant. La lumière de la façade s'éteignit. Alex se leva, me tendit les bras. Nous échangeâmes un dernier regard en silence. Elle souriait. Je détournai les yeux le premier. Godspeed, murmura-t-elle. Godspeed, répondis-je. Trois coups au carreau de la porte arrière, comme Alan nous l'avait demandé. Le marin nous ouvrit. Il était torse nu. Des bougies vacillaient dans la salle, leurs flammes déformant nos reflets dans les vitres. Alex restait collé à moi, se mordillait la lèvre. Alan déboucha une bouteille et remplit trois godets. Nous trinquâmes. L'alcool était fort, mais pas assez pour calmer ma fébrilité. Alan nous souriait en hochant la tête, mais même à travers mon brouillard interne, je pouvais sentir qu'il essayait de se donner bonne composition. Alex prit les devants. Elle nous ôta délicatement les gobelets des mains. Elle passa sa main sur ma nuque, m'attira à elle pour m'embrasser. Je lui fus reconnaissant de prendre son temps, de ne pas précipiter les choses. Elle se détacha de moi avec lenteur, se tourna vers Alan, lui caressa le torse. Je passai les mains dans le dos d'Alex, tirai sur son haut pour sentir sa peau, caresser son ventre. Je ne parvenais pas à quitter Alan des yeux. La sueur luisante de son torse, le dessin de ses muscles, l'ondulation des cheveux d'Alex sur sa peau. Elle était en train de défaire la ceinture du marin. Elle plongea la main dans son caleçon. Alan me regardait. Ses yeux scintillaient, ses lèvres semblaient vibrer. Je me penchai pour l'embrasser. Il agrippa ma nuque, me serra contre lui avec l'énergie de la passion. D'un coup, tout s'éclaira en moi. Saisissant ses épaules, je le fis pivoter, le plaquer contre la table. J'aidai Alex à le dénuder. Elle m'embrassa. Je me collai contre Alan. La table manquait de stabilité. Alex ne trouvait pas de position. J'avisai la séparation de salle. « Grimpe !» lui soufflai-je. Alan s'exécuta. Ses fesses solides et rondes roulaient avec ses pas. Il s'agrippa à l'arceau de métal. Ses épaules se contractèrent, provoquant en moi un nouvel élan d'excitation. Alan se hissa, une jambe de chaque côté de l'axe central, ses bras au repos sur la barre supérieure. Alex s'agenouilla, enveloppa ses lèvres autour de son sexe pendant que je reprenais ma position derrière lui. Perdu dans l'embrassade d'Alex, abandonné à mes va-et-vient, Alan gémissait d'extase, suspendu à l'ancre.